De toute manière, la relation aux sirènes, elle est ambivalente. Elle est originairement ambivalente. Moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'a inquiété, c'était cette espèce de refoulement des sirènes.